elle flottit comme une grenouille dans une coquille, sur les vaguelettes de ses gentilles petites amourettes. Elle se faufile dans les bras qui la déshabillent et ne s'arrête au grand jamais sur un coup de tête. Elle aime ça goulûment comme disent les parents, ou salopement comme les ados crachent vulgairement. Elle se cache alors sous un rire de potache, de vilaine grimace et de fine rousse tache. Peut-être qu'un jour le bon dégoulinant d'amour la prendra tendrement sur son cheval blanc, à double tour l'enlacera dans sa tour pour passionnément chérir de nombreux enfants. Elle aime ça comme disent les parents, ou salopement comme les ados crachent vulgairement. Elle se cache alors sous un rire de potage, de vilaine grimace et de fine rousse tache. En attendant, elle s'amuse, elle s'enfile les plaisirs à la file indienne. Et quand un jour elle sera tienne, dis-toi qu'elle n'attendait que toi. Elle aime ça goulûment comme disent les parents, ou salopement comme les ados crachent vulgairement. Elle se cache alors sous un rire de potage, de vilaine grimace et de fine rousse tache.